إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on commence le cours 31 dans l'explication du livre يعني الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية. C'est une réfutation de la démocratie. Et on explique les méfaits de la démocratie dans ce livre. C'est écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et on est rendu à la note ou l'objection numéro 3 dans le chapitre qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est une réfutation détaillée des paroles de Abdul Majid al-Zindani au Yémen. Ok? Et lui, il s'est présenté aux élections, puis il fait partie du parti islamiste des Ikhwan là-bas. Donc, dans la cassette qu'il a faite, Al-Intikhabat wa Iradat al-Shab, c'est-à-dire les élections et la volonté du peuple, il a parlé d'un autre point parmi les points qu'il a expliqué. Il a parlé d'un point qui dit, قال واتفق علماء الإسلام على أن الخليفة لا يكون خليفة إلا بالبيعة العامة ببيعة العامة مش ببيعة الخاصة. Il dit que les ulama sont d'accord, les ulama de l'islam sont d'accord que le khalifa il peut pas être un khalifa excepté avec une bay'a qui est générale. Il peut pas être un khalifa uniquement avec la bay'a qui est spécifique ou donnée par un groupe spécifique. Il faut que ce soit une bay'a qui est générale. Et le chef il répond à ça. Il dit قلت قد بينت مقصودك من البيعة العامة والخاصة بقولك قبل هذا كان المسلمون يقولون المؤهل لقيادة البلاد لا يعرفه عامة الناس فمن يعرفه قالوا الخاصة أهل الحل والعقد فأهل الحل والعقد هم يختارون ولي الأمر وأسموها ببيعة الخاصة وقاسوا على ذلك ببيعة أبي بكر في ثقيفة بني ساعدة فكانت بيعة خاصة ثم تتبعها البيعة العامة من الأمة وسميت بالبيعة العامة. أقول إن نقلك لهذا الاتفاق ليس عليه دليل. فمن هؤلاء العلماء الذين اتفقوا على ذلك؟ بل العلماء على خلاف ذلك، فإن البيعة تنعقد عندهم ببيعة أهل الحل والعقد لأولي الأمر التي اصطلحت عليها ببيعة الخاصة كما تقدم ذلك. لشيخ الإكسليك إلزي tu as expliqué ce que tu voulais dire par la bay'a générale et la bay'a spécifique ou particulière dans ta parole. Qu'est-ce que tu avais dit avant ça dans la cassette quand tu as dit que les musulmans ils disent que la personne qui est apte à être dirigeant d'un pays musulman, c'est pas les gens en général qui le connaissent. Donc qui est-ce qui le connaît? Il a dit ce sont les gens spécifiques, c'est-à-dire les gens de Al-Hil wal-Aqd. Donc il dit que les gens de Al-Hil wal-Aqd, ce sont eux qui vont choisir Wali ul-Amr. Et ça, cette bay'a, on l'appelle la bay'a particulière. Et ils ont fait un qiyas, ils ont fait une analogie de la qiyas de Abu Bakr lorsqu'il a été choisi comme khalifa lorsqu'ils étaient dans un endroit qui s'appelait Saqifa de Bani Sa'ida. Et ils ont, donc ils ont fait une analogie entre ça et cette bay'at, et ils ont dit que ça c'est la bay'at particulière, c'est-à-dire la bay'at de Ahl al-Hil wal-Aqd. Puis il a rajouté qu'il faut qu'elle soit suivie par la suite par la bay'at qui est générale, qui est la bay'at de toute la Ummah. Puis ils ont appelé cette bay'at-là la bay'at générale. Donc ils ont dit que le dirigeant, il ne va pas être un dirigeant excepté s'il est choisi par la Ummah au complet, après que la Ahl al-Hil wal-Aqd l'ait accepté ou lui a donné la bay'at. Donc c'est comme si Al-Zindani, il dit qu'il y a deux bay'at. Une bay'at particulière, puis après il y a la bay'at qui est faite par tout le peuple, puis il dit que celle qui compte, c'est celle qui est donnée par tout le peuple ou toute la Ummah en général. Le Cheikh, il dit, Cheikh Mokbel, il a donné un point ici, en note, en bas de page, il dit, قال الشيخ مقبل مع أن بيعة السقيفة التي حصلت لأبي بكر رضي الله عنه تدل على أنه لا يلزم أن يرضى جميع الناس بل لا كل أهل الحل والعقد لأن أبا بكر لم يوافق عليه كل أصحاب السقيفة ابتداء. الشيخ مقبل il dit quoi? Il dit malgré que les gens qui étaient présents à la bay'a de Al-Saqifa, lorsqu'ils ont donné la bay'a à Abi Bakr, cet événement-là prouve que c'est pas obligatoire que tout le monde soit satisfait de cette bay'a. Hein? C'est pas obligatoire que tout le monde soit satisfait de cette bay'a. Puis c'est pas non plus obligatoire que tous les gens de Ahl al-Hil wal-Aqd soient d'accord non plus. Parce que la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de sahaba qui n'étaient pas d'accord au début de la bay'a pour Abu Bakr, puis par la suite ils ont accepté. Donc ça c'est la preuve, que c'est une preuve contre eux. Cet exemple qu'il mentionne, c'est une preuve contre eux en réalité. C'est pour ça que le cheikh il dit, le fait que tu mentionnes cet exemple et que tu divises entre la bay'a générale et la bay'a particulière, il n'y a aucune preuve à ce sujet-là. Et en fait, il dit, ramène-nous qui parmi les ulama se sont mis d'accord sur ça. Et il dit, en fait, les ulama disent le contraire de ça. Hein, parce que la bay'a, pour eux, c'est la bay'a de Ahl al-Hil wal-Aqd. Hein, et c'est elle qui est la bay'a khas, et c'est elle la seule bay'a qui est acceptée et sur laquelle tous les savants sont d'accord. Donc il mentionne des paroles des ulama maintenant qui vont justifier et prouver que la bay'a qui est valable, c'est celle qui est donnée par Ahl al-Hil wal-Aqd seulement. Et il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل الإمام عندهم أئمة أهل السنة ثبتت بموافقة أهل الشوكة عليها ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة فإن المقصود من الإمامة أن يحصل بالقدرة والسلطة أن يحصل بالقدرة والسلطة إذا بيع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما فإن المقصود من الإمامة أن يحصل بالقدرة والسلطان فإذا بيع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. Donc il mentionne par le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Nubuwa, le volume 1 à la page 527, il dit que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit que à la question de la dirigeance ou de la gouvernance pour les imams d'Ahl al-Sunnah, elle est établie par le fait que les gens qui ont l'autorité, disons qui ont une influence ou qui ont une importance dans leurs opinions, dans leurs choix, et qui ont la force dans cette qui ont la force ash-shawka, et ben ceux-là c'est par leur accord, et c'est par leur accord que la bay'a est affirmée et confirmée. C'est lorsque ces gens-là sont d'accord pour que quelqu'un devienne imam, c'est là, lorsqu'ils lui ont donné la bay'a, c'est là qu'il devient l'imam. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de faire en sorte que lorsque cette personne va recevoir la bay'a, il aura l'autorité et la force et la puissance. Donc du moment que les gens qui ont la force ou qui ont disons qui ont, comment je pourrais dire, Ashoka, c'est quoi? C'est comme une quelque chose qui est cœur là. Mais dans ce sens-là, ici, c'est quoi? C'est les gens qui ont la capacité de d'utiliser leur force pour faire quelque chose avec, soit pour combattre autre chose. Ceux-là, du moment que ceux-là sont mis d'accord autour d'un homme et puis qu'ils lui ont donné la bay'a, c'est à ce moment-là qu'il devient l'imam. Et c'est lorsque ceux-là ont décidé de lui donner la bay'a qu'il devient l'imam. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, c'est des gens qui n'ont pas cette autorité-là ou qui n'ont pas ce respect-là, qui vont donner la bay'a à n'importe qui dans la rue, ça ne sera pas considéré comme étant un imam, même si, comme par exemple, si moi et toi et Mouhtar et Issa, ou nous ensemble, on se réunit, puis on décide de donner la bay'a à quelqu'un, ça va pas être considéré comme une bay'a. Ça va pas être considéré comme une bay'a, parce que nous, on n'est rien. On n'a pas de poids, on n'a pas d'autorité, on n'a rien. On n'a pas de... C'est-à-dire, personne ne va nous écouter, personne ne va nous prendre en référence. Donc, ça, c'est l'exemple que nous tenions et l'ancienne ici. Donc, le Cheikh dit, « قال Cheikh al-Fawzan, حفظه الله, تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة والذين يبايعون أهل الحل والعقد من العلماء والقيادة وغيرهم من بقية الرعية تبع لهم تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية لأن المسلمون جماعة واحدة ينوب عنهم قيادتهم وعلماؤهم وهذا مما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره من ولاة المسلمين وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسماة بالانتخابات التي عليها دول الكفر من ومن قلدهم من دول العربية التي تقوم على المساومة والدعايات الكاذبة وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنة وسفك دماء وغير ذلك. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique le point en fait. C'est ça, Ahlul Shawka c'est les gens d'influence. Naam. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, il est obligatoire de donner la bay'a, c'est-à-dire la bay'a, et il faut la donner sur l'écoute et l'obéissance. تجب البيعة لولي الأمر. Il faut donner la bay'a et c'est obligatoire de la donner aux dirigeants sur l'écoute et l'obéissance. C'est-à-dire sur le fait qu'on va écouter et obéir. Lorsqu'on choisit quelqu'un pour être l'imam ou le dirigeant pour les musulmans, selon le Coran et la Sunna. Sur le Coran et la Sunna. Et ceux qui lui donnent la bay'a, ça va être les gens de Ahlul Hilli wal Aqd. Ça va être les gens qui ont disons de l'influence parmi les ulama et parmi les responsables de la société, parmi les responsables des musulmans, des gens qui ont des responsabilités dans la société et qui sont connus. Donc le cheikh il dit que les autres, ceux qui sont en dehors de Ahlul Hilli wal Aqd, sont le reste des musulmans, et bien ceux-là ils sont, disons, ils suivent Ahlul Hilli wal Aqd. Et le cheikh il dit qu'il est obligatoire pour eux d'obéir aux dirigeants, même si eux-mêmes ils ne donnent pas la bay'a, c'est-à-dire on leur demande pas à eux de donner la bay'a aux dirigeants. Si les Ahlul Hilli wal Aqd ont donné la bay'a aux dirigeants, ils ont donné la bay'a aux dirigeants, ça compte pour le reste des musulmans. Et eux, et tout le reste des musulmans, eux, sont pas nécessaires, c'est pas nécessaire pour eux de donner la bay'a. On va pas demander la bay'a à chaque individu dans le pays. C'est seulement ceux qui sont les ulama et ceux qui sont les gens qui ont des positions ou qui sont respectables, responsables dans la société. Le cheikh il dit, parce que les musulmans, ils sont considérés comme une seule jama'a. Et disons que les ulama et les dirigeants ou les gens qui ont les responsabilités qui sont à la tête de la société, ceux-là sont ceux qui représentent le reste des musulmans, d'accord? Parce qu'on est une seule jama'a, et nos dirigeants et nos ulama, ils nous représentent. Donc le cheikh il dit que ça c'est la position des salafs as-salih de cette umma, c'est comme ça qu'ils ont fait. Lorsque par exemple il y a eu la bay'a pour Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, et pour les autres dirigeants, c'était la même chose. C'est pas tous les musulmans qui ont donné la bay'a un par un, non. C'est ceux qui étaient les plus connus, les plus respectés parmi les sahaba, et ils ont donné la bay'a, puis ça comptait pour le reste des musulmans. Et il dit que la bay'a c'est pas la façon chaotique des gens qui appellent aux élections. Notre bay'a dans l'islam, elle n'est pas comparable à la méthode chaotique qui est utilisée dans les pays non musulmans, les pays de kufr qui utilisent les élections, et également de la manière des élections qui sont faites également dans les pays arabes qui ont imité et qui ont suivi les pays non musulmans dans leur façon de choisir leurs dirigeants. Donc eux ils se basent sur toutes sortes de tirages ou de choix entre eux comme ça, de faire des votes, de faire des publicités fausses, mensongères pour pousser des gens ou mettre des gens au pouvoir, de faire de la fausse publicité ou bien même parfois de faire de dire des mensonges contre les autres, ainsi de suite, comme on a expliqué ça dans les méfaits, dans les cours passés. Puis il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la fin, il y a plein d'innocents qui payent à la fin à cause de ça, parce que ça fait que parfois il y a beaucoup de problèmes dans la politique du pays, puis ça cause parfois même des morts, beaucoup de gens qui se font tuer à cause de ça dans des pays musulmans et dans des pays non musulmans même parfois. Tandis que quand on fait la bay'a à la façon islamique, eh bien au contraire, ça fait pas de tous ces problèmes-là, ça réunit les gens, ça crée des rapprochements entre les gens, et on arrive à établir la sécurité, la stabilité dans le pays, sans qu'il y ait toutes ces compétitions et toutes ces ce désordre de compétition entre les groupes et les partis et les individus, et sans que ça crée tous les problèmes et sans que ça fasse couler le sang des musulmans. Ça c'est dans le livre Al-Ajwiba Al-Mufida. Oui, Ari. Ça c'est au tout début, parce que en fait, qu'est-ce qui s'était passé, si je me souviens bien, il y avait les Ansar qui s'étaient réunis à cet endroit-là, de Bani Saqifa, et puis ils voulaient choisir le khalifa entre eux. Puis Abu Bakr est venu avec Omar, radiallahu anhu, et puis ils ont dit, cette affaire, elle doit être parmi Quraysh, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les imams doivent être de Quraysh. Et à cause de ça, ils ont, donc les Ansar, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, d'accord, dans ce cas-là, on va prendre un khalifa parmi les gens de Quraysh. Et puis ils ont choisi Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Mais les détails de l'histoire, il faut retourner dans Sahih al-Bukhari et dans les hadiths authentiques, vous allez voir les détails de cette histoire. Mais c'est juste pour dire que c'est pas nécessaire que tous les gens de Ahlul Hil wal Aqd soient d'accord ou soient présents, puis qu'ils aient donné la bay'a. L'important c'est qu'il y ait eu une bay'a de la part d'une partie des gens de Ahlul Hil wal Aqd, et ça y est, ça compte pour le reste. Ensuite le cheikh il dit قلت فتبين ان الاجماع على خلاف ما زعمته على خلاف ما زعمته ولكن الذي جعلك تنقل هذا الكلام المخالف لمذهب السلف وعلماء الاسلام واخذك بالنظام الانتخابي والدعوه اليه في مساله وقضيه الامامه وتوضيح ذلك في الملاحظه الرابعه. Donc il va clarifier dans le quatrième point les raisons pour lesquelles il a contredit. Zindani a contredit la voix d'Ahl Sunnah wal Jama'a et le mazhab des Salaf à ce sujet-là, comment choisir le dirigeant, et pourquoi il a choisi يعني la méthode de la démocratie des élections, et pourquoi il a appelé à cette voie-là, et aussi pourquoi il a contredit l'ijma à ce sujet-là. On va clarifier ça dans ce point-ci. Le point numéro 4, il dit « Izan, al-majlis al-nawab huwa al-khassa al-ladhi yurashih lil-umma min ra'sa, min man yara'suha. » Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait, Zindani? Il dit que la bay'a qui est donnée pour les gens en particulier, ceux qu'il considère, lui, comme étant Ahlul Hilli wal Aqd, en fait, c'est pour eux, pour lui, c'est les députés. Ça, c'est eux qui donnent la bay'a khassa. Et c'est eux qui vont choisir pour la Ummah qui va être leur chef. Le chef, il clarifie ce point-là. Dans les paroles de Zindani, il dit أقول إن هذا القول يوضح سبب نقلك للإجماع المخالف لمذهب السلف الذي تقدم وذلك حتى يتنسى لك الأخذ بالنظام الانتخابي في أن الشعب العامة وهو الذي يرشح الخاصة وهم أهل الحل والعقد المتمثلين في مجلس النواب ثم إن جعلك من مجلس النواب الذي هو خلاصة الأفكار ومشارب الشعب بمثابة أهل الحل والعقد الذين تقدم ذكر صفاتهم جناية على الأمة إنني أقول يا عبد المجيد اتق الله اتق الله ربك في كل ما تقوله وتؤصله وأعطي القوس باريها في هذا الأمر فإن لكل علم رجاله ومختصيه فلا تقحم نفسك فيما لا علم لك به رحم الله امرئا عرف قدر نفسه فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب ولا عمل. Donc le chef il explique ici que يعني إن هذا القول يوضح سبب. Bon, cette parole de Zindani elle clarifie la raison pour laquelle il a inventé cet ijma qui est contraire à la voie du madhhab des salafs, hein, quand il a dit qu'il faut qu'il y ait la bay'a des âmes en général, des gens en général, puis la bay'a khassa. Pourquoi? Parce que pour lui, al-khassa c'est les députés, puis al-âmma c'est les musulmans, le reste des musulmans. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de dire en fait? C'est qu'il essaie de faire rentrer ça dans le système démocratique pour que ce soit en accord avec la démocratie en disant que le peuple c'est l'Amma et eux ils choisissent, ils vont élire ceux qui sont les gens spécifiques ou particuliers qui vont choisir le dirigeant Al-Khassa. Donc, et ils disent que les députés sont ceux qui sont Ahlul Hilli wal Aqd, les représentants dans la Chambre des députés. Et il a fait de la Chambre des députés, yani, ceux qui sont représentés par Ahlul Hilli wal Aqd, malgré qu'on a expliqué dans les cours passés les réelles caractéristiques qui doivent être présentes dans ceux qui doivent composer Ahlul Hilli wal Aqd, puis on a vu que ces gens-là, ils ne possèdent pas ces qualités-là, puisque ce sont des gens qui ont toutes des idées mélangées, qui sont tous un mélange de toutes les idées qui sont présentes dans la population et dans le peuple, et qui ne se retournent pas nécessairement au principe de la Aqidah. Donc il dit, « Oh Abdul Majid al-Zindani, je te dis de craindre Allah dans ce que tu dis, dans ce que tu établis comme fondement, et de, yani, ne rentre pas dans qu'est-ce que tu n'as pas de connaissance. Hein, tu dois connaître ta limite. Hein, parce que dans cette vie maintenant, tu travailles, tu fais les actions, mais demain ce sera un jugement, et il sera trop tard pour agir. » Donc chaque personne a une science et a son domaine spécifique dans lequel il doit parler. Toi, si tu parles de la charia alors que c'est pas ton domaine, eh bien, sache que tu t'avances dans des choses dangereuses pour toi. Après, le cheikh, il dit, الملاحظة الخامسة قال والذي يقول أنا ما إلي كأنه يقول تغرق اليمن وإلا تصلح وإلا تفسد أنا ما إلي وإلا تصلح وإلا تفسد أنا ما إلي. نقول له أين أنت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم إن أمر المسلمين من أهم أمورهم أهل الشورى الذين يشاورون سيشاورون الحاكم الذين سيقولون له هذا صواب وهذا خطأ وهذا صلاح وهذا فساد وهذا أهم أمورهم فالاعتراض عنه هو تقصير بالاهتمام بأمر المسلمين. Donc il dit Abd al-Majid al-Zindani que il dit celui qui dit moi c'est pas mes affaires que le Yémen se noie c'est pas mon problème que le Yémen soit réformé ou que le Yémen soit corrompu ça c'est pas mon affaire. Donc celui qui dit ça, alors qu'est-ce qu'il fait avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne s'occupe pas des affaires des musulmans, alors il n'est pas un des leurs. Hein? Donc il dit que les affaires des musulmans, ça c'est le plus important parmi les choses qui les concernent. Les gens de la Shura, ils vont se consulter avec le dirigeant et ils vont lui dire ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est la façon comment ils font leurs choses entre eux. Donc de se détourner de ce système de démocratie, c'est comme si en réalité tu t'occupes pas des affaires des musulmans. Ça c'est Abdul Majid Zindani, il utilise cet argument-là pour essayer de dire que si tu t'occupes vraiment des questions qui ont rapport avec le bien des musulmans, tu dois rentrer dans les élections. Le chef il répond, il dit « Qultu, li ma'a kalamika hadha waqfatan » Il dit, j'ai deux points à dire à propos de ce que tu as dit là. الوقفة الأولى قولك والذي يقول أنا ما إلي أقول لعلك تشير بكلامك هذا إلى من يذهب إلى تحريم الانتخابات من علماء الدعوة السلفية وهو الصواب كما تقدمت الأدلة بالأدلة البينة فهم بحمد الله أكثر الناس اهتماما بأمور المسلمين منذ القدم خصوصا ما يتعلق بأمور الدينية والتي بصلاحها تصلح سائر الأوضاع والأحوال فكتبهم شاهدة بذلك والتي لا أظنها تخفى على مثلك أو عن مثلك أفليس هذا هو عين الاهتمام بالمسلمين فكيف تتهم من يقتفون أثر السلف الصالح لهذه التهمة الجائرة الظالمة. Le chef il dit, premier point, quand tu dis celui qui dit à moi ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver aux gens, des choses de ce genre, est-ce que on dirait que tu voudrais parler de, quand tu parles de ces gens-là, on dirait que tu es en train de dire que c'est ceux qui interdisent les élections parmi les ulama de la da'wa salafiyya, hein, alors que ce sont eux qui sont sur la position correcte. Selon les preuves claires qu'on a présentées déjà. Donc, alhamdoulilah, ce sont eux qui ont le plus d'intérêt pour qu'est-ce qui se passe aux musulmans, comme on l'a déjà expliqué, et en particulier les choses qui ont rapport avec les questions religieuses, hein, que si on les corrige, eh bien, tout le reste de la situation et des états des musulmans vont se corriger. Donc, on voit leurs livres qui sont des témoins de ça. Dans le sens que les ulama de la da'wa salafia, ils ont écrit des livres qui démontrent qu'ils ont un intérêt pour la situation et pour les choses qui arrivent aux musulmans. Et donc, je crois que ces livres-là ne te sont pas inconnus, hein, tu les connais. Donc, est-ce que c'est la façon dont ces ulama ils agissent en écrivant ces livres et en expliquant la religion pour les musulmans, ne crois-tu pas que ça c'est le signe que c'est vraiment eux qui ont un intérêt pour les musulmans? Alors comment tu peux les accuser, hein, alors qu'ils suivent la voie des salaf salih, comment tu peux les accuser de cette accusation injuste de dire que c'est comme s'ils n'ont pas d'intérêt pour qu'est-ce qui arrive à la umma. Et comme deuxième point, الوقفه الثانيه قولك نقول له اين انت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أقول بل أين أنت من بيان درجة الحديث الذي تستشهد به؟ أما علمت أن الحديث في درجة الموضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه ليس لك علم أم أنه ليس لك علم في الحديث ناقة ولا جمل إنما استدلت به لغرض سياسي والله المستعان لشيخ الزي en ce qui concerne le deuxième point tu te bases sur il dit par exemple Zindani tu vas dire à la personne qui dit qui dit par exemple qui veut pas qu'on rentre dans les élections dis à cette personne où est-ce que tu te trouves où est-ce que tu te situes par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit pour celui qui ne s'occupe pas des choses des musulmans ou de la situation des musulmans ou des affaires des musulmans il n'est pas un des il ne fait pas partie d'eux il n'est pas des leurs alors lui le cheikh il répond il dit et toi où est-ce que tu te tiens par rapport ou par rapport à la clarification du degré de ce hadith que tu mentionnes comme témoignage ou comme preuve alors que il dit ne sais-tu pas que ce hadith là est du degré des hadiths qui sont maudous, c'est-à-dire qu'il est fabriqué, ce hadith-là, il est maudous, il n'est même pas authentique. Hein? Donc, il dit, c'est un mensonge qu'on a inventé sur le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu n'as aucune science dans le hadith, tu n'as aucune connaissance dans le domaine du hadith. Hein? Tu te bases uniquement sur ce genre de hadith-là, pour des intérêts politiques. Tu mentionnes des hadiths authentiques, tu dis que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, pour des intérêts politiques, parce que le hadith, il est mondon, il n'est pas du tout authentique. Le cheikh, il dit ensuite, Allah al-Musta'an, il dit, قال الشيخ الألباني رحمه الله, لأن هذه الأحاديث من الكثرة مع الأسف الشديد, بحيث تعد بالمئات بل الألوف. فماذا يقول القارئ الكريم في الأحاديث الأخرى التي وضعها أناس آخرون لغايات مختلفة وأغراض متباينة منها السياسة ومنها العصبية الجنسية والمذهبية Donc le cheikh il dit que Cheikh Al-Albani il dit dans سلسلة الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة لفولوم 1 على فاش 6 il explique, il dit que ces hadiths sont très nombreux malheureusement même ils arrivent à des centaines et même des milliers de hadiths qui sont fabriqués ou qui sont faibles alors qu'est-ce que tu vas dire toi le lecteur hein, au sujet des autres qui ont fabriqué des hadiths pour d'autres raisons différentes comme des intérêts politiques ou bien des intérêts de nationalisme, ou bien de partisanisme et des choses de ce genre, de vouloir suivre un madhab aveuglément et pour défendre son madhab, ils inventent des hadiths pour glorifier leur madhab, ou bien ils inventent un hadith pour dire notre origine ou notre nationalité ou notre ethnie est meilleure que votre ethnie. Ça, c'est des gens qui ont inventé des faux hadiths pour essayer de supporter ça, pour la fierté, des exemples comme ça. Donc le cheikh il mentionne par la suite il dit il est quel kalam باختصار عن هذا الحديث فقد اخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح وهمه من أصبح وهمه غير الله فليس من الله في شيء من أصبح همه غير الله فليس من الله في شيء ومن لم يهتم للمسلمين فليس منهم في سنده إسحاق بن بشر أبو حذيفة قال فيه الذهبي تركوه وكذبه علي بن المديني le cheikh dit que ce hadith, en résumé, on va expliquer qu'il a été rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak. Mustadrak de l'imam Al-Hakim. Ça, c'est rapporté dans Mizan al-I'tidal dans le volume 1 à la page 184. C'est ça. La page 184. Après, il dit que c'est rapporté selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui, quand il se lève, son, son, son souci est autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il se soucie d'autre chose que d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'a rien à voir avec Allah. Et celui qui n'a pas d'intérêt pour les musulmans, alors il n'est pas un des leurs. Ouais, celui quand il se réveille, son souci c'est autre chose que Allah, alors il n'est pas d'Allah. Et celui qui ne s'occupe pas des musulmans, ne se préoccupe pas des musulmans, alors il n'est pas un des leurs. Oui, c'est ça. Tu vas dans les mosquées. Bon, quand il y a eu l'affaire à la Palestine, là, dernièrement, je suis allé prier du mois à MCQ. Le gars, il s'est levé, il a dit ce hadith-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il joue avec la religion. Dis-lui, alors si l'ikhtilaf rahma, alors l'altifaq, azab. L'altifaq, c'est d'être d'accord. L'altifaq. Si l'ikhtilaf, c'est une miséricorde, alors de se mettre d'accord, c'est un châtiment. Tu vois? Ok. Les ulama ont dit dans cette isnad, il y a le rapporteur qui s'appelle Ishaq ibn Bishr Abu Hudayfa. Et l'imam al-Dahabi, il dit dans Mizan al-I'tidal, le volume 1, à page 184, il dit que les rapporteurs ont abandonné celui-là. Ils l'ont laissé. Tarakou. Et ils l'ont traité de menteur. Ali ibn al-Madini, qui est un des grands ulama, un des grands ulama de hadith parmi les imams des salaf, il a dit que c'est un menteur. Et Ali ibn al-Madini, c'est un des grands ulama de Jarh wa Ta'dil. Ok. Après le cheikh, il dit, « وَقَالَ الدَّارَقُتْنِي كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ » Ok. أي نعم الدار قطني إلى مصنع الدعفاء والمتروكين لا page 142 au sujet de celui-là, au sujet de Ishaq ibn Bishr Abu Hudayfa, il a dit كذاب, c'est un grand menteur, متروك, il est abandonné, on l'a délaissé celui-là, on n'a pas pris ses hadiths aujourd'hui là. C'est comme je disais, il y a des ikhwan, ils vont mentionner ce hadith, ils savent que c'est pas authentique, ils le disent quand même, ils l'utilisent, ils disent pas la Rasulullah, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne s'occupe pas des choses de ma umma ou des affaires des musulmans, il n'est pas un des leurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça, c'est un hadith maudou, c'est un hadith fabriqué. Et non seulement ça, mais ils le mentionnent à chaque fois qu'il y a des problèmes, comme par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Palestine, et ainsi de suite. Mais le hadith il est daïf, de toute façon il est mordor, donc comment ils se basent sur ça pour essayer de justifier leur idée? Le cheikh il dit ensuite, وَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيثِ بِلَظْ مَنْ لَا يَهْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِي من حديث حذيفة ابن اليمان. Il a été rapporté également ce hadith d'une autre façon, parce que la première narration c'était من لم يهتم للمسلمين فليس منهم, celui qui ne s'occupe pas pour les musulmans alors il n'est pas un des leurs. Et la deuxième narration, c'est « Man la yahtam bi amri al-muslimina salaysa minhum ». Ça s'est rapporté par al-Tabarani selon Hudayfa ibn al-Yaman. Et dans al-Rawd al-Tani, il a al-Mu'jam al-Sahir al-Tabarani. Au volume 2, à la page 131. الشيخ يقول وفي رواية وفي هذه الرواية علتان. الأولى عبد الله ابن أبي جعفر الرازي، والثانية أبوه عيسى ابن ماهان. قال ابن حجر في عبد الله ابن أبي جعفر صدوق يخطئ، وقال أيضا في أبيه صدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة. فعلى كل فالحديث بهذه العلل لا يثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر إن شئت السلسلة الضعيفة للألباني، فبناء على ما تقدم يتبين بطلان رمي السلفيين بما رميتهم به من عدم الاهتمام بأمور المسلمين والله المستعان. Donc le cheikh dit que Ibn Hajar, en fait dans cette narration il y a deux problèmes. Le premier problème c'est un narrateur qui s'appelait Abdullah ibn Abi Ja'far al-Razi, et le deuxième c'est son père qui s'appelait Isa ibn Mahan. Donc le cheikh dit que le Hafiz Ibn Hajar il a dit au sujet d'Abdullah ibn Abi Ja'far qu'il est sadouq, mais il fait beaucoup d'erreurs, il fait des erreurs. Sadouqun yukhti, ça c'est dans At-Taqrib, à la page 497. Et ça veut dire qu'il n'est pas authentique ça. Sadouqun yukhti, ça veut dire qu'il n'est pas ça. Il n'est pas, ces hadiths sont faibles. Yani. Et quand il dit, aussi selon son père, sadouqun sayyul hifz, il a une mauvaise mémoire, en particulier quand il rapporte selon Al-Mughira, selon Mughira. Et c'est la même référence dans Al-Taqrib, à la page 1126. Donc, le cheikh dit, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller dans Silsilat al-Hadith الصحيحة للألباني الضعيفة للألباني pardon. Et c'est le volume 1 à la page 322-323. Okay. Et il parle de ce hadith là là-dedans. Et on voit que ce hadith là il n'est pas authentique. Il ne peut pas être attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si on se base sur qu'est-ce qu'on a expliqué, on voit que les accusations contre les salafis qui ont été faites par Abdulmajid Al-Zindani dans cette parole-là qu'il a dit, du fait qu'il ne s'occupe pas que si on ne rentre pas dans les élections, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas des affaires des musulmans, on voit que ça c'est faux. Après le cheikh il dit, comme sixième point, إذا الوكالة والوكالة طريق لتحقيق المصالح المقاصد الشرعية ولإسقاط التكاليف الشرعية عن عنقك. عبد المجيد الزنداني كيف كيدي ديك يبعد الوكالة ما بور الوكالة كما بور تعدي الوكالة سي quand tu donnes à quelqu'un non toi t'as un problème entre le qaf et le kaf. Tu fais. Hein? Tu vois? Toi, quand je dis kaf, toi, tu entends qaf. Ça se peut. Parce que lui, il mélange toujours le mot. Seulement le mot, il écrit en arabe. Al-wakala. C'est pas wakala, wakala. Il y a un alif. Donc, al-wakala, et puis il y a un tamarbouta à la fin en passant. Wakala. De rien. Al-wakala, c'est quand tu donnes à quelqu'un une. Comment je pourrais dire? Une gérance. Non. C'est comme si tu donnes à quelqu'un la charge de s'occuper de ton commerce ou de ta, oui, c'est ça. T'as un immeuble, tu dis bon, je la mets à ton nom. C'est toi qui va en être le gérant pendant mon absence, ou quelque chose comme ça. C'est toi qui es wakil. T'es un garant. C'est ça. C'est pas garant. Un mot exact, hein. En tout cas, il ne me vient pas pour l'instant. Mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. Et lui, Zandari, qu'est-ce qu'il essaie de faire comprendre? C'est que quand tu mets ton vote, là, et que tu donnes ton vote pour une personne, eh ben, c'est comme si tu as donné une wakala à cette personne qui va être élue, pour que lui, c'est lui maintenant qui va être responsable de toi. Maintenant, t'auras plus de charge sur ton dos à toi, c'est lui qui va être responsable à ta place des obligations de la charia. Donc, d'ordonner le bien et d'interdire le mal en ton nom. Et donc, il t'enlève la charge de la charia sur ton cou. Et le cheikh, il répond à ça. Il dit, قلت الرد على قولك من خمسة أوجه. الوجه الأول ما أشبه كلامك هذا بحال وعليكم السلام ورحمة الله بحال مشايخ الصوفية الترقية الذين يسقطون التكاليف الشرعية عن أنفسهم. Le cheikh, il dit, on va répondre à ce gars-là de cinq points, de cinq points de vue, ou de cinq façons. Il dit, quand je t'entends dire ça, là, que tu vas donner, que tu compares les élections, tu les compares à al-wakala, à shari'a, et tu dis que la personne, une fois qu'elle a voté, c'est quelqu'un qui va avoir cette responsabilité-là, hein, à ta place, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, puis toi tu vas être déchargé, tu vas plus avoir cette charge sur toi de le faire, c'est comme si lui il va le faire à ta place. Il dit ça ressemble beaucoup aux paroles et à la situation des chouyouks dans les turcs soufis, hein. Les soufis, quand le mourid il vient et il donne son allégeance au cheikh pour devenir son mourid et tout, le cheikh il lui dit écoute, non là, c'est moi qui vais être responsable de toi au jugement dernier, c'est pas grave, maintenant je vais te faire rentrer au paradis sur mon dos, hein. T'as plus besoin de t'énerver avec les obligations et les interdictions. Moi, je vais porter tes péchés, moi, à ta place. Et je vais porter les charges à ta place. Et il y a même dans certains pays musulmans, il y a des soufis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font même pas la prière ni le jeûne, ils disent que le cheikh les a excusés de prier ou de jeûner. Pourquoi? Parce que ils ont comme obligation de servir le cheikh. Et donc, étant donné qu'ils servent le cheikh, ça y est, ils n'ont plus besoin maintenant de prier ou de jeûner. Hein? Ah, ils vont aller voir un autre cheikh. Si le cheikh il meurt, ils vont. Il y a un successeur. Oui, c'est ça. Son fils qui va prendre la place. Oui, il y a un chien, un truc comme ça. Oui, c'est ça. On a vu, je ne sais pas si vous êtes au courant, en Algérie, il y a une tariqa qui s'appelle Al-Tijaniya. Le fondateur de cette tariqa, il est né dans le sud de l'Algérie, dans le désert, dans un village qui s'appelle Ain Mahdi. Et après sa mort, il y a des gens qui ont repris la tariqa. Plus tard, il y en a un d'entre eux, je ne me rappelle plus son nom, c'était Ahmed quelque chose, Ahmed Tijani, en tout cas. Lui, il s'était enfui, il avait été exilé à un moment donné, il y a quelque chose, puis il a rencontré une fille en France, c'est une fille française, puis elle s'appelait Aurélie Picard. Hein, une fille de soldat ou de, hein, Aurélie Picard. Non, et ben il s'est marié avec elle, elle est venue avec lui habiter dans le désert, dans son village, et puis c'est elle qui est devenue la chef de sa tariqa. C'est une chrétienne catholique. C'est l'évêque français qui l'a marié avec le soufi, le cheikh soufi. Puis elle est devenue responsable de la tariqa par la suite, il est mort et s'est marié avec son frère. Hein? Elle a continué. C'est elle qui était à la tête de la tariqa pendant un bon bout de temps. Hein? Donc c'est pour dire, elle a rendu plein de services à la France pendant ce temps-là. Elle a été décorée par la France, plein de médailles qu'ils lui ont données, la croix de je sais pas quoi, la croix de. Ils lui ont donné plein, oui, la croix de chevalier et tout. Et puis après, ils ont dit que c'est grâce à cette tariqa qu'ils ont réussi à rentrer en Algérie et à s'installer, parce que la tariqa Tidjaniya ont aidé les Français pour s'installer en France. Et à chaque fois qu'ils ont des célébrations de commémoration de la qu'est-ce qui s'est passé avec les Français et tout, et puis ils ont dit on remercie la France et tout, et puis on est content que nos ancêtres, c'est-à-dire les premiers successeurs de la tariqa, ils ont choisi d'aider la France, ils ont fait une bonne chose, et ils remercient la France pour le fait que la France, soi-disant, est venue puis les a choisis. En tout cas, tout ça a été documenté dans les livres. Et ça montre que, ça montre quoi? Ça montre une chose, que quand les gens n'ont pas une aqida, eh bien, c'est ça ce qui arrive. Aujourd'hui, cette femme, Nourini Pika, elle a encore sa kubba, hein, dans le village, là, où elle est enterrée, et ils la considèrent comme une sainte. Ils vont la visiter dans sa tombe et tout, avec à côté de son mari. Hein? Et elle est morte catholique, chrétienne, c'est jamais convertie à l'islam. Donc c'est pour vous dire, et même il y a des fatwas des ulama qui disent que les Tidjaniyah, Cheikh Ibn Baz, il a une fatwa, il dit les Tidjaniyah ne sont pas des musulmans. Parce que leur aqida, c'est pas la aqida de l'islam. Leur aqida, c'est des aqida kufriya. Ils disent qu'ils ont une salat qu'ils apprennent qui s'appelle salat al-fatih. Ils disent que cette salat, si tu la dis, elle vaut 6000 fois la lecture du Coran. Pas de doute. Ils ont un grand pouvoir, ces gens-là, c'est des shayatines al-ins. Donc le chef, il dit ensuite, al-wajh al-thani, le deuxième point, bi-ayyi kitabin wa bi-ayyi sunnah. تتقول على الله عز وجل وتسقط التكاليف الشرعية عن أعناق الشعب. ألم تسمع قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله أما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات وأعظمها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، فليس من أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف على والأئمة لها، وصاهوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا من فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، إلى آخر كلامه رحمه الله. Le cheikh, il mentionne ici, par quel livre et par quel sunna tu inventes des choses à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu veux faire tomber les obligations de la charia du peuple, yani, tu veux leur enlever ces obligations-là. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah dans le verset 33 dans Surat Al-A'raf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Dis au Muhammad, je t'interdis, innama harama rabbi al-fawahisha. » Mon Seigneur a uniquement interdit les turpitudes, ce qui est, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées. Wal-ism wal-bari, c'est-à-dire le péché et la transgression, et l'injustice. Bi-ghayri al-haq, sans aucun droit. Et d'associer avec Allah ce au sujet de quoi il n'a révélé aucune autorité. Et de dire à propos d'Allah ce que tu ne sais pas. Donc l'imam Ibn al-Qayyim il dit de parler à propos d'Allah sans science, des choses que tu ne sais pas, ça c'est la plus grande des interdictions que Allah a interdit et le plus grand parmi les péchés qu'il a mentionné dans ce verset. Parce que ça, le fait de mentir à propos d'Allah, ça implique que tu vas attribuer à Allah ce qui ne lui convient pas et que tu vas changer sa religion. Hein, tu vas changer sa religion. Parce que tu mens à propos d'Allah, tu égares les hommes. Les hommes, les hommes, comment ils vont savoir que tu mens à propos d'Allah? Qui pourrait s'imaginer que quelqu'un allait mentir à propos d'Allah? Qu'est-ce qu'il dit dans Surat al-Jin, Allah s'en fait? وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. On croyait jamais que ni un djinn ni un homme aurait osé dire un mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire de dire un mensonge à propos d'Allah, c'est grave, hein, parce que les gens se basent sur le mensonge par la suite et ils s'égarent, et ils égarent les autres. Donc ça c'est, tu changes la religion d'Allah, tu nies ce qu'il affirme et tu affirmes ce qu'il nie. Hein? Tu établis ce qu'il a, ou tu réalises ce qu'il a annulé, ou tu confirmes ce qu'il a annulé et tu annules ce qu'il a confirmé. Hein? Donc ça, c'est pas des choses qui, il n'y a pas de choses parmi les choses interdites qui sont plus graves pour, à propos d'Allah que de mentir. Il n'y a pas de plus grand péché que ça. Il n'y a pas rien de plus grand pour Allah que de mentir à son sujet. Hein, il n'y a pas de plus grand péché que ça. C'est la base du kufr et du shirk. C'est de, le mensonge à propos d'Allah, c'est ça qui est à la base du kufr et du shirk. Le mensonge à propos d'Allah. Et il dit, ça implique que tu mens contre Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et il dit que toutes les innovations, tous les égarements sont basés sur le mensonge à propos d'Allah. Toutes les bid'ah qui égarent dans la religion à la base sont basées sur le fait de dire à propos d'Allah ce que tu ne sais pas. Et les salafs et les imams de l'islam, ils ont toujours dénoncé ce genre de choses-là, hein, et ils ont crié contre ceux qui amenaient des innovations dans tous les pays sur la terre, peu importe. Et ils ont averti contre leur fitna, hein, de la façon la plus sévère. Et ils ont été jusqu'à la limite dans la dénonciation de ces péchés-là, et ils ont même dépassé dans leur façon de dénoncer les bid'ahs, ils ont dépassé dans leur interdiction des péchés ordinaires, de l'injustice et de la transgression. Pourquoi? Parce que le mal qui vient des innovations, c'est plus grand et plus dangereux que les péchés seulement. Hein, les bid'ahs, c'est plus grave que les péchés seulement, parce que comme on l'a souvent expliqué, quelqu'un qui va faire une bid'a, il adore Allah et s'imagine qu'il se rapproche d'Allah et pense qu'il fait du bien. Donc il ne veut pas se repentir parce qu'il pense qu'il va faire quelque chose de bien. Tandis que celui qui est en train de faire quelque chose de haram, il boit de l'alcool ou fait quelque chose d'autre qui est haram, lui il ne va jamais penser que Allah aime qu'est-ce qu'il fait. Il sait que Allah aime pas ça et il a le remords dans son cœur et il veut se repentir. Donc ça c'est l'exemple de la parole que le cheikh a mentionné à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh dit ولا ينبغي عند قولك هذا إلا أن أذكر هذا الحديث إلا أن أذكر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر الناس أو في أمر الرجل التافه في أمر العامة في أمر العامة وسلم. donc le cheikh il dit et j'ai pas besoin de rajouter plus de paroles que de mentionner le hadith rapporté selon l'imam Ahmad et Ibn Majah selon rapporté par Ahmad et Ibn Majah selon Abi Hurayra radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il va venir pour les gens des années trompeuses. Celui qui ment va être traité de véridique. Celui qui est véridique va être traité de menteur. Celui qui est menteur va être traité de véridique. On va faire confiance aux traîtres et on va traiter de traître la personne digne de confiance. Et les gens, les rouaybida vont parler. Les gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les rouaybida? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est des personnes insignifiantes qui parlent des affaires générales, qui parlent des affaires des gens, hein, des choses qui sont générales, qui concernent les affaires des gens. Oui. Donc ça c'est, des gens, ces gens-là ils vont parler à Rouaï Bida. Oui, ça c'est un hadith qui est sahih. Il est dans Sahih Ibn Majah. Donc le cheikh il dit, on vit dans cette époque-là maintenant peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des mensonges, les gens le croient. Et des gens qui mentent, les gens le croient, les gens qui disent la vérité, les gens ne le croient pas. Ils font confiance à celui qui le traite, et celui qui est honnête, ils ne lui font pas confiance. Beaucoup de gens, ils le rejettent, beaucoup de choses comme ça qui se passent. Le cheikh dit, wa fi lafz, Ahmed, al-Safih, يتكلم في أمر العامة. C'est-à-dire la personne insignifiante, elle parle des choses des musulmans. Elle parle des choses des gens âmes. Je ne sais pas ce qu'il veut dire ici à l'âme. Mais l'âme, ça veut dire les gens ordinaires, les gens généraux. Hein? D'habitude, c'est ça. Le cheikh dit, قال الشيخ الفاضل المقبل رحمه الله إن هذا الرد القوي يدل على بطولة بطولة المؤلف جزاه الله خيرا مما رد الباطل على أصحابه مع كمال الصراحة جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. Il dit que le Cheikh là, Cheikh Mukbil, il dit que la personne qui a écrit cette réfutation là, il a vraiment écrit cette réfutation avec beaucoup de force, beaucoup de courage. Il a réfuté le mensonge de la personne qui ment avec c'est-à-dire avec une franchise directe et claire. Donc Allah le remercie pour qu'est-ce qu'il a fait, qu'il soit remercié pour l'islam et les musulmans dans le bien, pour le bien qu'est-ce qu'il a fait. Donc il a été direct et clair. الوجه الثالث أن قول إن قولك هذا فتح بابا لأهل المعاصي والمنكرات في استمرارهم على غيهم وتركهم للفرائض والواجبات إذا طبقوا نصيحتك لهم أن يختاروا وكيلا عنهم في دائرة الانتخابية لأنه إذا بذلك إسقاط للتكاليف الشرعية من أعناقهم. Troisièmement, quand tu dis ça, tu ouvres la porte aux gens de faire des péchés, des choses haram, des choses mauvaises. Ils vont continuer dans leurs péchés. Ils vont abandonner les choses obligatoires parce que tu leur as donné la nasiha de choisir quelqu'un qui va les représenter, qui va s'occuper de leurs affaires dans les questions d'élection. Donc ça veut dire que après eux ils auront plus de, ils vont pas qu'ils ont plus d'obligations sur eux. Et ça c'est une porte ouverte pour le haram. الوجه الرابع إن تحقيق المقاصد الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين وغيرها من المقاصد الشرعية لا تكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح المقرون بالعلم النافع فبهما يتم ذلك. أما النظام الانتخابي فهو هدم للمقاصد الشرعية واستئصالها من جذورها. الشيخ الزي comme point numéro 4, que de réaliser les objectifs de la charia, d'ordonner le bien, d'interdire le mal et d'établir la religion, et ainsi que d'autres parmi les objectifs de la charia, ça doit uniquement être fait avec la science qui est bénéfique et les bonnes actions qui sont réunies avec la science bénéfique. Donc, c'est comment on peut arriver à ça? C'est en étudiant l'islam et en appliquant l'islam. Mais de suivre le système des élections et tout ça, ça au contraire, ça va détruire les objectifs de la charia de la base et à partir des racines. Et comme dernier point, le point numéro 5, le cheikh il dit « Inna qawlaka isqat al-takalif laysa min al-nizam al-islami fahuwa shay'un zal'in » فهو ليس من النظام الإسلامي في شيء ذلك أن التكاليف الشرعية لا تسقط إلا عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ فتبين من ذلك أن النظام الانتخابي نظام مبتدع لا يمت للإسلام بالسلة. الشيخ البنكم بوين نمبر 5 ta parole au sujet des obligations de la charia et que tu veux les faire tomber, tu veux les enlever en te basant sur le système démocratique, il dit ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que les obligations de la charia, elles ne peuvent pas être enlevées de quelqu'un, excepté sauf s'il perd la raison, il devient fou, jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison, ou pour un enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, ou bien une personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Donc ça, c'est les choses qui peuvent faire tomber la responsabilité d'une personne, parce qu'il a, soit il est fou, soit il est un enfant, ou soit qu'il est endormi. Mais lorsqu'il, sinon, en dehors de ça, alors là, il ne peut pas se débarrasser des obligations de la charia. Et ça, c'est donc ça, c'est la preuve que le système démocratique est un système innové qui n'a aucun lien avec l'islam. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et puis on continuera la semaine prochaine. Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.